Après le grand maître Franco, voici le prince Youlou Mabiala. Le prince Youlou Mabiala est accompagné du tout puissant hockey jazz dans 40e anniversaire. La Congo Léopold de Ville, Franco Vicky et Dosselio et Sou, de la lune pas aux plein des soins. Masumukwe, Kengoke, la Kate, Kinshasa et Kobina. Bolima Bougie et Mive témoin, ok, Jaza, Boningisa. Franco Mouseki, Wapwami Moujos. Michel Boy Bandana Vekis, Piccolo Simon Fafana Lutumbay, Jean-Jean Pembeni à Franco, Banami Dabako Binae, Banamo de Bako Binae, Karakara Mabinae à Sango, Nabraza Poutoulou et Mati, Chef Nézala qui ambiance, Namasé de Zala qui ambiance. Bana pose ba kobinae, la violette ba kobinae, la rosette ba kobinae. Kisha sa brasa laisse passer za la kite, ma soue mongoli alo se ba e kobetae. Na rumba o demba ya okeja. Nouvelle vague est bandit. Youlou Mabiala na cheke lola. Sa maman na joski dizi na polo nome. Michel inouta ma ingrania sena e popo. Chompo ingalito cheri de kanamala. Papa Noel makabi rondo kese madiru. Lelo Youlou Mabiala e kozongi sali solo. Ya okeja. Enigma na kati ya kauka ina na itoshe o enigma misikia oke jazz bole mbate rumba oke mba oke jazz l'histoire misikia oke jazz bole mbate rumba oke mba oke jazz l'histoire Roger Mwanga PDG à Sem. Miziki ya oke jazz bole mbate, rumba ode mba, oke jazz c'est l'histoire. Sakana mbina oke jazz ya tous les âges, référence ya Zaïre, ya rumba ode mba, pacheli makengo. Miziki ya oke jazz bole mbate, rumba ode mba, oke jazz c'est l'histoire. Bona fungoli mongongo. Oyo kanga malamwe, bo panzanga isango, kena lekaki awae. Miziki ya oke jazz, bole mbate, rumba ode mba, oke jazz, c'est l'histoire. Onima ya Afrika, toko linga te kufa, eko pesa ne mawa, na peple nyoso ya Afrika. Miziki ya oke jazz, bole mbate, rumba ode mba. Génération ya botembe, botika matongi, lola na katia oke. Miziki ya oke jazz, bole mbate, mama. Rumba ode mba, oke jazz, c'est l'histoire. Mama moziki 100 kilo, peba ninga basi, boya toyokana, toto mbola lingomba luambo atike la viso. Miziki ya oke jazz, bole mbate, rumba ode mba. Natamboli Asia, Europa, Amerika, Oceania, Nasongi na Afrika, Baboye mbelanga nzembo ya Franco. Miziki Maman Chamier, éclaireur y a bêté la Katia Braza. Ochinton, Papi Garik Monsemba, Katia Paris. Wapik lo mami kitenge na kimpese. Dip se basse.